Bonjour Lilian, tu es candidat à The Voice 4. D'ailleurs, tu es candidat qui a brillamment réussi puisque on te retrouvera dans les directs samedi prochain. Pour te resituer donc, tu es originaire du Doubs. T'es assez atypique parce que t'as une expérience professionnelle dans le fromage alors que c'est pas assez fréquent. Moi je trouve qu'on devrait avoir plus de candidats qui se spécialisent dans les métiers manuels. Tu as 23 ans et surtout tu es originaire de la MAI, donc la Music Academy Internationale à Nancy. Alors, quelle est la formation que tu as suivie justement à la MAI ? Eh ben, à la MAI, je suis une formation en fait de chanteur professionnel. C'est un cursus qui s'appelle la Pop Academy, où en fait on travaille avec des intervenants professionnels, donc coaching vocal, la technique pure de chant. On fait du coaching scénique, on fait de l'écriture de paroles. On a un super prof d'écriture aussi. En fait, c'est vraiment axé formation d'un artiste au complet, en fait. D'accord, c'est vachement global comme formation. C'est hyper global. Et puis, la chance qu'on a dans cette école, c'est qu'il y a des autres cursus, il y a des musiciens. Donc, ce qui fait que pour nos prestats en évaluation ou quoi, on travaille avec les musiciens qui sont aussi élèves de la Music Academy, en fait. C'est une synergie comme ça entre tous les cursus. Il y a, sur la scène, on a le cursus aussi musique production, donc les ingénieurs du son, ouais, qui sont là pour les lumières, pour gérer le son. Donc en fait, tous les élèves font que ça fait un truc hyper, hyper complet, quoi. D'accord, donc toutes les formations se rejoignent pour avoir en fait une technique de spectacle complète, quoi. C'est exactement ça, c'est ça. Bon, bah c'est cool. Si je ne dis pas de bêtises, Bruno Mermeres, qui est l'un des casteurs de The Voice, aussi donne des cours à la MAI. Est-ce que c'est lui qui t'a convaincu, et, ou alors qu'est-ce qui t'a convaincu à faire The Voice? Parce que tu te posais des questions à la base. Ouais, pour tout avouer, au début, j'étais plutôt réticent quand proposer The Voice, surtout qu'il me l'a proposé très vite quand je suis rentré à l'école. Ils m'ont laissé un temps de réflexion, ils m'ont pas forcé ou quoi. Donc j'avais des réticences par rapport au fait de se mettre à nu, de passer à la télé. Moi, j'espérais faire une carrière sans forcément passer par ça. Ouais, sans trop de médiatisation, quoi. Exactement. Et au final, c'est peut-être un petit peu la curiosité, en fait. Un petit peu le fait de vouloir un petit peu comment ça se passe là-bas et puis de me dire que c'est quand même un accélérateur. Ah bah c'est sûr. Notoriété et que je pourrais peut-être gagner quelques années, quoi. Donc, c'est ça qui t'a convaincu. Ouais. D'accord. Alors moi j'ai une question. Tu as choisi Zazie, du coup. Pourquoi elle plutôt qu'un autre? Peut-être par préférence musicale. D'accord. Et pour sa personnalité, je trouve assez simple. C'est une belle artiste, assez sympa. Et voilà, elle compose, elle fait diverses choses, donc c'était plutôt intéressant de travailler avec elle. D'accord, donc c'est un coup de cœur au moins autant humain que musical. Pour moi, c'était un coup de cœur en tout cas, et puis je regrette pas du tout, quoi. D'accord. Alors au niveau des jurés, c'est vrai que de temps en temps, ils mettent la pression, ils sont pas toujours coulants, mais ils te choisissent. Alors est-ce que ça te booste ou ça te stresse quand ils mettent la pression? Bah non, de toute façon, ça booste parce qu'on est là, pour apprendre. Moi, je suis quand même, faut dire, hein, je suis quand même un amateur. Hein. Déjà, de chanter devant des personnalités comme ça, c'est super bien. Et ils sont plutôt de bons conseils, en fait. Hein. Ils sont jamais méchants. Hein. Ils ne rabaissent jamais personne, quoi. C'est plutôt des commentaires constructifs. Et du coup, c'est... Non, on le prend bien, il faut. On ne peut pas toujours faire tout bien. Hein. Puis le fait que ce soit des pointures, ouais. Finalement, tu te remets en question quand ils essayent vraiment de t'aider. Puis tu te regardes, puis tu te dis, ah ouais, en effet, ouais, j'ai compris, quoi. D'accord. Ça fait qu'avancer. Alors une petite question pour déconner, avant de te demander ton artiste favori, si tu devais nous donner un artiste que tu admires mais pour qui c'est un peu improbable, quoi, est-ce que tu en aurais un? Pour qui ça serait improbable? Ouais, genre si tu me dis que t'es fan de Kiss ou AC/DC, ce serait un peu étonnant mais pourquoi pas. Ah ouais, bah pourtant j'adore. T'adores quoi, ouais, AC/DC? Bah après moi j'ai vraiment en musique, je suis hyper large. D'accord. Et à la base j'écoute beaucoup plus de rock que de chansons françaises ou quoi, en fait. Après, si je peux donner des groupes vraiment que j'aime beaucoup, il y a Nord-Désir, il y a FL. Cool. FL, puis après, ben, plus dans le chanteur français, mais qui se rapproche un peu de ces univers-là, il y a Brel, il y a Manu Solo, que j'aime beaucoup. Puis après, ben, je vais chercher aussi dans la pop anglaise, dans la country, le blues. Ouais, t'es vachement éclectique quand même. Mais ce que j'aime le plus chanter, moi, c'est la chanson française. Voilà. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, je te vois bien chanter du Brel, ça serait un bon délire, ça, ouais, peut-être. Ouais, carrément, ouais. Ça peut le faire. J'adore. Plus avec ton accent, je suis sûr que ça rendrait super bien. Un petit rapport à l'accent belge. Très honnêtement, tes souhaits pour plus tard, alors que ce soit dans les mois à venir ou dans les années à venir, ce serait quoi? Mes souhaits, ça serait de pouvoir enregistrer un album en studio et avec des compositions. Et si des artistes comme Zazie pouvaient m'écrire une chanson, ça serait le rêve. Ah bah oui, j'imagine. Je dirais pas non, quoi. et pouvoir, comme tout artiste, tourner et vivre de cet album, quoi. Et d'accord. Puis après, bah, m'intégrer dans des projets plus associatifs, plein plein d'idées comme ça, voilà. Tu rejoindrais les Restos du Cœur, par exemple, si jamais on te le demandait? Avec grand plaisir. Ah oui, c'est des choses qui me plairaient beaucoup, c'est sûr. Alors, voilà, moi j'ai une question qui me paraît incontournable. Si tu devais choisir un artiste avec qui tu aimerais bosser ce coup-ci, et on va occulter Zazie, puisqu'on a compris que tu avais un grand coup de cœur pour elle, tu pourrais nous dire qui, alors? Bah moi j'aimerais bien rencontrer Cabrel, par exemple. Ouais, c'est assez logique en même temps, on a vu qu'il y avait une certaine admiration. Ouais, j'admire beaucoup, et plus ça va, plus j'admire, quoi. Le fait de, même sans écouter sa musique, lire ses textes, les paroles et tout, il y a vraiment des trucs super subtils, c'est vraiment, vraiment de la belle écriture, quoi. C'est vrai qu'on ne souligne pas souvent, mais des artistes comme Souchon ou Cabrel ont toujours Souchon, un petit message caché derrière. Ouais. Ah bah oui, clair, c'est subtil. On va revenir quand même sur ton parcours. Moi, je voudrais savoir pourquoi tu as tout quitté. Tu avais un boulot stable dans la fromagerie, tout quitté et aller à la MAI à Nancy alors que tu es originaire du Doubs. Qu'est-ce qui t'a fait vraiment changer? C'est l'amour de la musique, en fait. Avant de venir à la MAI, je tournais quand même à côté de mon boulot. Je tournais en amateur avec un ami. On était un duo acoustique, en fait, deux guitares, deux voix. Et on tournait un petit peu, fête de village, bar. Puis ça, c'est des choses qui m'ont poussé à essayer de faire quelque chose vraiment dans la musique. Et puis après, c'est le fait de se dire, moi, j'adore mon boulot, j'adore ce que je fais. Mais si je pouvais faire quelque chose dans la musique, ça serait que du bonheur. Ouais, la passion t'appelle. Ouais, c'est la passion, voilà. C'est clair, il n'y a que ça. Au niveau des instruments de musique, est-ce qu'il y en a un qui te titille particulièrement, un que tu voudrais vraiment découvrir, apprendre complètement, qui te rend fou, quand tu vois quelqu'un en jouer, ça, tu te dis, oh, j'aimerais tellement le faire. Ouais, le piano. Le piano? Ouais. Ouais, pareil, les instruments de musique, moi aussi je pouvais tout faire. Puis c'est vrai que j'aimerais bien savoir bien jouer du piano, quoi. Surtout pour un chanteur, c'est bien, puis c'est un bon outil pour composer. D'accord. Bon, alors moi je voulais te le dire quand même, je trouve que tu ressembles beaucoup à Bigaranx. Alors je t'ai montré la photo tout à l'heure, donc voilà, c'est un compliment, c'est tout ce que je voulais te dire. Bah merci. Ouais, juste une dernière question, tu es sur Nancy depuis combien de temps là? Bah, je suis sur Nancy depuis... Donc je suis arrivé le 29 septembre, donc ça fait 6 mois. Alors ton impression sur la ville, ça serait quoi? J'aime bien la ville. Moi je suis pas trop ville à la base. Ouais, je te comprends. Mais je trouve que c'est une ville jeune, super sympa. Ouais. Il y a des super beaux coins. Et puis franchement je m'y plais bien, quoi. Bon bah c'est tout cool. Simplement. On se croisera à la PEP ou dans un bar, ouais, probablement. Ben, j'espère bien, ça marche. On va te laisser retourner sur Paris parce que t'as un train à 18h et effectivement, il va falloir bosser toute cette semaine pour les directs de samedi prochain. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter si ce n'est bonne chance? Bah voilà, tout simplement. Prends plaisir et puis voilà, c'est le plus important. Ça marche. Et ben merci beaucoup Lilian, on te souhaite vraiment une bonne réussite. Et puis à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, à bientôt.